Y da mucho más. Qu'on puisse poser sur la version des rimes. Je te suis dans la strange enquête. Que va-t-il se produire sur cette bande? Qu'est-ce qui va s'imprimer comme écrit à l'envers? Hadia, hadia, hadia, hadia, hadia, hadia, hadia, hadia, hadia, hadia, hadia. Sans silence, sans... sans... Personajes. Tsunamis. Mi personaje ayos es un ojiduyo, es un chul que sa pausa, que sa prene sa lengua como libertad. Sap que eso que penso li aparten, sap que eso que pot dire bonne foi, so que será demain, pot esse tout ce que vol, pot esse une marmite ou une kaya ou es un clown que sa passa à travers las apparencias que sap demoura. Es aquí que se trapo lucami, es a Ital que sa ukren faire de ma, es de pa canem manja tous a masso, es de ben canem faire buffa, di la zuelo de la libertà, le ou batel es pla partit. Tsunamis en amonanasis. De eso no podían seguir allí. Tsunamis en amonanasis está presente, tú sabes, todo tiempo llevo caliente, tú sabes, constantemente. Como si fuera dementemente, fuera un ingrediente con una frente. Hay otro nuage, ¿no? Y hay de traudin, luz ni boule. Bullshit, I singing another wife, I say I don't know. Maybe you understand what I want to say, but I don't speak this language at all. Hey yo. Hey yo, it's been daddy, yo, hey yo, como tal, yo, hey yo, thank you, you very much, hey yo, welcome, yo, just to yourself, I salute, yo, how's it be, hey yo, what is it be, yo, ciao, success, la best, Akarabi, Maserati, yo, hi, Adindo, Richie, Tripia, yo, and what is it, yo, yo, Radio Caducée, les ondes cérébrales qui vous fondent la tête, ça vous prend la tête comme si c'était... La grosse tête mal posée, hey. Scrivo lo bueno, lo malo. Scrivo lo malo, lo bueno, lo caldo, lo caldo, lo barato. Scrivo lo bueno, lo malo, lo quemo la calidad, nadie la puede engañar. Je suis pas dans la rythme, je ne sais pas parler, je ne sais pas me poser, hey. C'était quoi déjà? Non, je me souviens plus les gars, ce qu'il fallait poser sur ce rythme, mec. C'est quoi l'embrouille, tu veux que je pose quoi? Franchement, c'est quoi ce son? Va falloir trouver une autre planète pour poser les... Stop, laissez dire les gens. Marchez tranquillement. Tu m'écrases le système, tu me dépasses, tu m'empêches de poser, tu m'empêches de poser sur la rive qui trépasse, tu m'empêches de poser la vue, l'avant, l'après. Parap, pam, pam, parap. Un cabelle est d'une c'est le meilleur artiste. Un momento es yo, si un momento es el saber yo, te rebatis, si te vuelves en otra fue, en otra fue tú, en otra rebatis, y en otra fue, en otra rebatis. En otra rebatis. Y en entre fue o notas rebatis. Ay, ay.